franceinter.fr. Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, l'affaire Gabriel Russier, une histoire d'amour entre une jeune professeure et l'un de ses élèves. Histoire tragique, puisqu'elle se terminera devant les tribunaux et surtout par le suicide de l'amoureuse. Cette histoire, vous la connaissez sans doute sous le titre « Mourir d'aimer », le film d'André Cayatte, sorti en 1971 et dont Annie Girardot joue le rôle principal. Ou bien grâce à des chansons de Charles Aznavour, de Serge Reggiani ou d'Anne Sylvestre qui ont rendu hommage à l'enseignante. Raconter l'histoire de Gabriel et de Christian, c'est se plonger dans les années où la télé rencontrait la couleur, où Jean-Luc Godard filmait une jeunesse maoïste en recherche d'utopie dans le film La Chinoise, où la guerre du Vietnam devenait une cause internationale, où le général de Gaulle vivait ses derniers mois à la tête de la France et de cette décennie des années 60 qu'il a façonnée et dont il devra quitter la scène au printemps 69. 1969, parlons-en. Si Gainsbourg la qualifie d'année érotique, cette année-là, une femme est en prison à cause de son amour pour un homme plus jeune qu'elle. Un an après les événements de mai 68, si certains rêvent de révolution, elle n'est pas la bienvenue partout. La France reste divisée entre deux côtés de la barricade. L'une portée vers l'avenir et le changement, l'autre scotchée à l'arrière du temps, gardien du temple de la morale. Gabriel et Christian, eux, sont enlacés sur la barricade, portés par ce mois de mai, mais rattrapés, traqués et finalement jugés. Pour parler de cette époque de Gabriel et de Christian, nous recevrons en seconde partie de l'émission Michel Viau, pasteur à l'époque des faits, désormais prêtre, et qui a accompagné Gabriel dans ses derniers instants. Il a aidé Christian également à poursuivre sa route. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Delphine Valeille, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Marseille, 1967. Au nord de la seconde ville de France, blottie entre les calanques et les collines, où les rues glissent vers la mer, c'est la rentrée des classes en ce jour d'octobre 1967. Au lycée Saint-Exupéry, juché au nord de la ville, 2500 élèves étudient. Parmi eux, les nouveaux venus, les secondes, qui découvrent deux bâtiments parallèles aux larges baies vitrées. C'est aussi le cas pour une jeune professeure du nom de Gabriel Russier. Le visage fin, les épaules frêles, elle trimballe son sac rempli de livres. Ce jour-là, cette femme de 30 ans entame sa nouvelle vie, celle de professeur de français. Malgré son âge, personne ne la prend pour une enseignante dans la cour du lycée. Petite, coupe à la garçonne, en la voyant, on a l'impression de tomber sur une sœur éloignée et brune de Jean Seberg, actrice américaine, héroïne du film « À bout de souffle ». Derrière ce petit bout de femme, il y a une vie déjà riche et bouleversée. Dès ses premières heures de cours, Gabriel interpelle ses élèves, entame le dialogue. Dans sa classe, ni chaire ni estrade, l'enseignement magistral arrivera bien assez tôt pour ceux qui voudront poursuivre leurs études à l'université. Non, au lycée, il faut intéresser, écouter, construire avec les paroles des élèves. Enfin, c'est ainsi que Gabriel envisage son métier. Alors, son cours est une accumulation de discussions, débats et lectures collectives. En marchant entre les tables, elle parle de littérature, de poésie. Elle dévoile le monde des livres dans lequel les élèves découvrent des pays, des périodes, des vies intimes, des sociétés en mouvement. Et ça marche, si l'on en croit les souvenirs de ces mêmes élèves. À la fin des cours, souvent, certains d'entre eux interrogent l'enseignante. Parfois même, les entretiens se poursuivent au café. Au printemps 68, si une plume prestigieuse de la presse voit une France qui s'ennuie, une pure vue de l'esprit, à Marseille, tout au contraire, dans la classe de Madame Gabrielle Russier, l'esprit s'éveille et s'émerveille. Alors, tout naturellement, quand les médias annoncent dans le quartier de la Sorbonne, un quartier qui s'embrase, au lycée Saint-Exupéry aussi, on rêve de plage sous les pavés. Durant ces semaines, élèves et étudiants se retrouvent dans les amphis, dans la rue et marchent bras dessus bras dessous. Durant ces semaines, alors qu'on érige des barricades, des barrières morales s'effondrent. Gabriel, la prof, et Christian, l'un de ses élèves, se rapprochent. Lui a 17 ans, le corps déjà bâti et la barbe épaisse. Les deux se découvrent, disons, des traits communs. Au lendemain de ce mois agité, de cette révolution esquissée, entre deux, un baiser est échangé. Un amour est né entre une femme et un jeune homme. Cette passion amoureuse ne dure qu'un temps. D'abord secrète, le couple la dévoile aux parents de Christian qui rejettent les deux impudents. S'ensuit une période de trac et d'angoisse. Les joies de mai ne sont plus que souvenirs. Les réactionnaires n'ont pas baissé les armes, confortés qu'ils sont par le souvenir de la manif du 30 mai en faveur du général de Gaulle où les Français sont allés défiler pour l'ordre et la sécurité. Alors, plaintes, fugues, emprisonnements et procès vont rythmer le quotidien des deux amants pendant près de 10 mois. Et le 1er septembre 1969, on apprend par dépêche qu'une jeune professeure du nom de Gabrielle Russier, accusée de détournement de mineurs, a été retrouvée morte dans son appartement. C'est à ce moment précis que les Français découvrent véritablement cette histoire. Certes, la presse de cœur et la presse locale ont publié quelques papiers lors de son procès, mais en septembre 1969, désormais tout le monde en parle. Même le président Pompidou, fraîchement élu, qui réagit à cette histoire le 24 septembre, lors de sa première conférence de presse. Jean-Michel Royer, Radio Monte Carlo et l'actualité. Monsieur le Président, puisque vous avez permis qu'en fin de parcours, nous débordions un peu des questions fixées à l'origine, je voudrais vous faire sortir carrément de l'épure et vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond? Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé, d'ailleurs, sur cette affaire, ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, qu'en prenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci, mesdames et messieurs. Mais qui était cette victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés? Gabrielle Russier est le fruit d'un amour de l'entre-deux-guerres. Son père, avocat, rencontre sa mère un soir à l'opéra. Elle était là, sur le fauteuil d'à côté. Il lui a parlé, ils se sont plus, ils se sont revus. C'est simple, quelquefois, la vie. Gabrielle est née de cette histoire, de ce fils de pasteur et de cette étudiante américaine. Brillante, elle suit des études à la Sorbonne. Durant ces années où la jeunesse devient bohème, où l'on peut entendre Juliette Gréco dans les cabarets parisiens, écouter Brassens ou Léo Ferré, Gabrielle, elle, tombe amoureuse d'un ingénieur, Michel. Ils se marient, puis partent au Maroc. Là-bas naissent leurs deux enfants, des jumeaux du nom de Joël et Valérie. En 1961, le couple est de retour en France, à Aix-en-Provence. Mais peu à peu, ils se fissurent, sans cris et sans larmes. Elle et lui rompent, mais restent amis. Gabrielle obtient la garde des enfants et entame alors une nouvelle vie. À Aix, elle retourne sur les bancs de la faculté. Elle obtient le concours de l'IPES qui lui permet de suivre des études tout en étant payée par l'État. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre Raymond Jean, un jeune professeur de l'université d'Aix-en-Provence. En 1962... je faisais un cours sur Éluard et j'avais remarqué cette étudiante dont la physionomie était très, très, très curieuse, très étrange même. J'ai dit dans les premières lignes du texte qu'elle ressemblait à la fois à un chat, d'où le mythe de Gatito, et à un mouton. Un mouton, je crois que c'est très vrai. Sa voix était à la fois assurée et hésitante. Comme toute sa personne, d'ailleurs. Mais vous savez, elle avait cette séduction très particulière des personnes qui paraissent en même temps, simultanément, timides et provocantes. Sous sa direction, elle effectue un mémoire sur le nouveau roman, puis obtient l'agrégation. Dans cette faculté d'Aix-en-Provence, exerce un professeur, un certain Monsieur Rossi. Lui aussi est un curieux mélange de ces années-là. Compagnon du Parti communiste, il épouse une fille de famille bourgeoise et catholique qui finalement embrasse les mêmes horizons que lui. Ensemble, ils ont trois enfants, dont Christian, qui en 1967 entre au lycée, tout comme Gabrielle, qui entame sa première année en tant qu'enseignante. Durant les événements de 68, ils se sont sans doute croisés, ses parents, ce fils et cette professeure. Ensemble, ils ont sans doute crié bien fort dans la rue contre le général de Gaulle et cette société corsetée. Et pourtant, bientôt, tout les éloignera. Après mai, Gabrielle et Christian deviennent amants. Comme tous les garçons et les filles de leur âge, l'été est la période des amoureux. Pour éviter les questions gênantes de ses parents sur ses amours, Christian leur fait croire qu'il part en Italie avec un ami. Mais sur la route à Nice, Gabriel le rejoint. L'ami tient la chandelle pendant quelques jours, puis disparaît, on peut le comprendre. Les deux amoureux découvrent l'Italie, destination tout indiquée pour couler. En août, Christian part étudier 3 semaines en Allemagne. Gabriel le rejoint une nouvelle fois. Amant, désormais amoureux, que doivent-ils faire? Rompre et reprendre la vie d'avant ou vivre leur passion? À la rentrée des classes, en septembre 68, Gabriel quitte son appartement à Aix et s'installe à Marseille avec ses 2 enfants. Avec son ancien élève, Christian, elle vit le parfait amour. Alors, elle décide de rencontrer les parents. Le rendez-vous a lieu à l'université dans le bureau du père, qui est professeur. La discussion se déroule à huis clos. Gabriel sort en larmes. À la maison familiale de l'amant Christian, l'ambiance se tend jusqu'à la rupture. Le fils met les voiles une première fois, puis rentre. Il trouve quand même un compromis avec ses parents. Il accepte de partir en pensionnat et espère que Gabriel l'y rejoindra de temps en temps le week-end. Dont acte. Mais dès leur premier rendez-vous, les gendarmes prévenus des amours du jeune homme par ses parents les retrouvent et les embarquent. Gabriel est accusé de voler la jeunesse d'un mineur. Devant cet inconnu en uniforme, elle doit rendre des comptes, dévoiler son histoire. Les jours heureux sont désormais derrière elle et derrière lui. Quelques semaines plus tard, Christian fugue de nouveau. À Marseille, l'affaire devient judiciaire. En novembre 68, les parents de Christian portent plainte contre Gabriel pour détournement de mineur. Et oui, la majorité est pour l'heure actée à 21 ans. Pour quelle raison sommes-nous adultes à 21 ans et enfants à 17 ans ? Allez savoir, mais c'est comme ça. Michel Del Castillo, qui écrira plus tard un livre sur cette histoire, s'interroge lui aussi lors d'une radioscopie de Jacques Chancel sur cette barrière invisible des âges à la frontière de la majorité. Est-ce qu'on est mineur en 1969 à 17 ans ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Les revues, les journaux, la presse, le cinéma, partout, enfin, étale tout, enfin, la télévision elle-même. Enfin, quel est le gosse de 17 ans qui ne sait pas ce qu'il faut faire de son sexe aujourd'hui? C'est vraiment quelque chose de monstrueux. J'ai reçu par exemple une lettre après un article, et c'est un brave type qui me répondait, et qui au lieu de me répondre sur le fond de l'affaire, me disait simplement « à 17 ans, je me suis engagé en 1915 à Verdun ». Bon, et puis alors il continue toute sa vie, et il finit simplement « on est mûr pour se faire tuer à 17 ans, on n'est pas mûr pour aimer une femme ». Je trouve que c'est le fond de la question. Et pourtant, l'article 365 du Code pénal indique que celui qui sans fraude ni violence aura enlevé ou détourné ou tenté d'enlever un mineur de 18 ans sera puni d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500 à 3000 francs. Le juge en charge de l'affaire, M. Palanque, utilise alors tous les moyens à sa disposition pour que la loi soit respectée. Après un interrogatoire où il demande à Gabriel où se trouve Christian, il fait un choix incroyable. Après une perquisition chez elle où tout est retourné et fouillé à la recherche d'une lettre, d'une adresse, il décide de l'incarcérer, de la mettre en préventive. Le 5 décembre 1968, la voilà au Baumettes, en compagnie de toxicomanes, voleuses et prostituées bien loin de sa vie, de celle de la fille de pasteur, d'étudiante, de mère et de professeur, traumatisme garanti. Au bout du 5e jour, Christian se présente devant le juge. Gabriel sort de prison, son congé de 3 mois se transforme en un congé de longue durée. Sur demande du juge, Christian se présente à 2 psychologues qui concluent que l'adolescent est sain, qu'il n'a aucune névrose et qu'il possède une grande maturité intellectuelle et affective pour son âge. Son père, comme sa mère, ne décolère pas. Pour eux, Christian est envoûté par ses 2 professeurs. Alors, de force, on l'emmène dans une clinique, l'Émeraude. À l'époque, l'autorité paternelle autorise le père à envoyer son fils où bon lui semble. Dans cette clinique, les fenêtres ont des barreaux, les gardiens ont des tenues blanches. À l'intérieur de cet enfer blanc, Christian doit suivre une cure de sommeil. Traitement au nom édulcoré qui oblige en fait les patients à prendre de force des médicaments, des sédatifs et des somnifères. Le jeune homme résiste, puis s'effondre. La fatigue, l'angoisse derrière ces barreaux, c'en est trop. Christian accepte les doléances de son père. Il part chez sa grand-mère, loin de Marseille. Mais cette retraite ne dure qu'un temps. De nouveau, il s'enfuit, retrouve Gabriel et se cache dans un lieu inconnu de tous. Alors, le juge frappe de nouveau à la porte de Gabriel. Et comme en décembre, c'est retour à la casse-prison. À l'intérieur, la jeune professeure devient une détenue coupable dont on ne sait quoi, mais c'est bien connu. En prison, on est tous coupables de quelque chose. Pleine de vie, éveillée, intelligente, la jeune femme indépendante plonge dans une dépression profonde où elle perd tous ses repères jusqu'à son identité. Le 19 mai, un mois après son entrée entre ses murs, elle écrit à sa voisine et collègue de travail, Gilberte. Gilberte, vos lettres m'apportent un peu d'air du dehors, m'empêchent d'oublier qu'il existe quelque part un foyer qui a été le mien, un lycée que je maudissais quand il fallait partir le matin, mais que j'aimais bien, ainsi que les professeurs avec qui je m'étais liée peu à peu. Et elle poursuit. J'envie les gens qui purgent une peine, comme on dit, qui sont là pour quelque chose et qui trouveront après, en sortant, la liberté. Au moins, eux ont une raison d'attendre. Je n'en ai guère. Sortir d'un cauchemar pour retomber dans un autre. Être venu ici pour rien, gratuitement, en sortir de même. Pour guérir, il faut en avoir envie et avoir des motifs. Il me semble que je n'en ai plus. Tout ce que j'aimais a été abîmé, sali. Je vous embrasse. Gabriel. Après 8 semaines d'incarcération préventive, elle quitte la prison des Baumettes le 20 juin. Son procès s'ouvre le 11 juillet 1969. Ce jour-là, quand elle arrive au palais de justice, elle découvre que des journalistes sont présents. La presse locale s'intéresse un peu à cette femme qui est tombée amoureuse d'un élève. Elle le sait désormais, les regards en coin, les messes basses du quartier vont devenir une rumeur qui la suivra de ville en ville. Gabrielle devient alors la divorcée, mère de 2 enfants, amoureuse de son élève au lycée. L'audience se déroule à huis clos. Le lendemain, le verdict tombe. Gabrielle est jugée coupable. Elle écope de 500 francs d'amende et de 12 mois de prison avec sursis. Un verdict aux couleurs de victoire, car l'arrivée du nouveau président Georges Pompidou lui permet d'obtenir l'amnistie automatique. La joie réapparaît sur son visage. Mais ce bonheur ne dure qu'un temps, comme le raconte son avocat, Maître Guy. Elle est heureuse. Elle m'envoie un télégramme. Vive le soleil, me dit-elle. Antigone. Car dans nos conversations, elle se comparait toujours à Antigone, au mythe d'Antigone. Elle est heureuse, elle explose de joie, mais je lui annonce, hélas, dans les heures qui suivent, que le parquet a relevé appel. Le parquet fait appel. Mais pourquoi? Sous quelle pression? Un nouveau procès aura donc lieu, sans doute sous le regard des photographes cette fois et des journalistes désormais au courant de cette histoire. Gabrielle et Christian ne peuvent se voir. Cet été-là, Gabrielle sombre dans l'abîme. Elle confie ses enfants à des proches et part se reposer dans un centre de cure. Elle ne rit plus, elle ne rêve plus. Elle est fatiguée, épuisée, comme en témoigne cette lettre envoyée à son ex-mari. Michel, je t'envoie cette lettre comme on jette une bouteille à la mer, sans savoir si je te reverrai très bientôt ou jamais. Je suis si angoissée par rapport à l'avenir que je n'arrive pas à me reposer, ni à écrire, ni à lire. Je voudrais seulement te dire que j'ai si peur pour les enfants, que ce n'est pas de ma faute, car ce procès est devenu invraisemblable. Tout le monde l'a dit, que je suis incapable de travailler, je ne comprends plus rien de ce que j'entends ni de ce que je lis. Je suis tout abîmée, intellectuellement et physiquement. Et je voudrais tant que les enfants survivent et échappent à tout cela. S'il m'arrivait quelque chose et que tu aies besoin pour eux de linge, les clés sont chez Madame R. Je compte sur toi pour les enfants. Je ne voudrais pas t'ennuyer avec toutes ces histoires ni te faire du mal, mais ils ont besoin de toi, maintenant que je ne suis plus bonne à rien. Le 30 août 1969, Gabrielle rentre à Marseille. Pour son retour, Odette, une amie du couple, imagine une surprise pour les deux amoureux, un dîner chez elle, à l'abri des regards. Le 1er septembre, elle vient chercher Gabrielle chez elle. Mais en bas de sa résidence, ce sont les quarts de pompiers et de policiers qu'elle découvre. Gabrielle est morte. Elle avait calfeutré les portes et les fenêtres, éteint l'électricité et allumé le gaz. Gabrielle est morte d'amour et de la bêtise assassine de tous ceux qui l'ont accusée d'aimer à en mourir. Septembre 1969, Gabrielle est morte. Devant son appartement, on dépose des fleurs, mais très vite, les pleurs laissent place à la colère. Au lycée comme à la fac d'Aix, certains étudiants n'ont pas apprécié les pressions de l'établissement et sa façon d'abandonner l'une de ses enseignantes. Pire, au lendemain de sa mort, ils apprennent que quelques semaines plus tôt, Gabrielle avait fait acte de candidature pour un poste d'assistante à la faculté d'Aix. Profil idéal. Pourtant, le conseil transitoire de la faculté lui a refusé ce poste. Ce vote était-il politique? Sans doute. Les idées de 68 leur sont-elles restées en travers de la gorge? Sans doute. Et toute la France désormais s'intéresse à cette histoire. Le fait divers devient fait de société. Dans les chaumières, en classe ou dans les cafés, l'histoire divise. Parmi les journalistes, on retrouve cette scission. Certains d'entre eux, dont Jean Caud de Paris Match, condamnent les amours interdites de cette femme avec son élève, ils la caricaturent, accentuent l'âge de Christian, mentent sur les occupations de Gabrielle, ses relations avec les élèves. Pour eux, cette enseignante est un dangereux symbole, celui du désordre dans leur monde à eux, celui où la femme est soit mère, soit mariée, les deux en même temps de préférence, mais en aucun cas une amante. Rendez-vous compte, la professeure devient maîtresse, inadmissible pour la bonne société. Jusque dans les travées du Palais Bourbon, cette histoire inquiète, comme le raconte le député Lucien Neuwirth, à qui l'on doit la loi sur la contraception. Donc cette affaire Russier est arrivée, avec tout ce qu'elle impliquait. Parce qu'elle impliquait beaucoup de choses, enfin c'est mon sentiment. Et dans l'Assemblée d'ailleurs, un de mes collègues m'a dit « Tu vois, avec toutes tes cochonneries, ce qui arrive ?» Je lui dis, je ne suis pas pour rien dans l'affaire Russier. Ma loi, je ne voyais pas sortir des décrets d'application. On a même entendu un ministre venir expliquer à la tribune de l'Assemblée qu'il ne fallait pas que le vice des riches devienne le vice des pauvres. Vous imaginez ? La presse et le monde intellectuel se déchaînent. Dans ses articles et tribunes, la vie de Gabriel est décortiquée, critiquée, salie, tout comme son histoire amoureuse avec Christian. Très peu de photos de lui ont circulé durant l'affaire, mais désormais on connaît son allure, ses cheveux foncés noirs, sa barbe épaisse, comme pouvait l'avoir Maxime Le Forestier à l'époque. Christian s'exprime une fois à la radio, sur les ondes de RTL, quelques semaines après la mort de Gabriel, c'est le 27 septembre 1969. Gabriel, vous l'aimiez vraiment ? Oui. Et elle vous aimait aussi ? Oui, je pense. Vous accusez qui ? J'accuse tout, enfin, surtout la société, toute la société, les juges, les parents bourgeois et réactionnaires. Et vous pensez vraiment que c'est cet appel à minima qui a conduit Gabriel au suicide ? À mon avis, c'est ça, et oui, beaucoup ça, et surtout, et aussi, si c'est vrai qu'elle a fait une cure de sommeil, la cure de sommeil. Mais son désespoir, d'après vous, venait d'où ? Du fait qu'elle avait été traumatisée par les juges, par les perquisitions, par chaque fois le recul du jour où on pourrait peut-être vivre ensemble. Les semaines passent, la controverse se dissipe. Gabriel repose au Père Lachaise, Christian lui se cache à l'aide de complices. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas. Durant les mois qui suivent, en cette année 1969, des ouvrages sont édités sur cette romance tragique. Raymond Jean, son professeur de fac que vous avez entendu au début de ce récit, publie un recueil de lettres de prison de Gabriel, avec en introduction un récit de son histoire. Michel Del Castillo, journaliste et écrivain de renom, publie lui aussi un ouvrage intitulé « Les écrous de la haine ». Les parents de Christian saisissent la justice pour violation de la vie privée. Ils obtiennent l'interdiction de vente. L'ouvrage sera quand même remis dans le circuit après modification. En fait, c'est un film qui va installer de façon définitive l'histoire de Gabriel et de Christian dans la mémoire collective. Celui d'André Cayatte, réalisateur connu et reconnu, auteur notamment d'un glaçant et courageux « Nous sommes tous des assassins » où il prend parti contre la peine de mort. En septembre 1969, en pleine affaire Russier, il annonce ses intentions au micro d'Yves Mourouzi sur France Inter. Je crois que je vais faire un film sur l'affaire de Gabriel Russier. Pourquoi ? Vous avez été impressionné par cette affaire ? Oui, mais dès le début. Je veux dire que la mort a ajouté à ça une proportion dramatique, mais dès le début, l'affaire, enfin, avait déjà cette valeur significative à mes yeux, c'est-à-dire dès le procès. À ce moment-là, j'ai été préoccupé par ça. Je l'ai dit, puis est arrivée la mort de Gabriel Russier. Et à ce moment-là, les parents de Gabriel Russier m'ont fait savoir, par l'intermédiaire d'Albert Nau, qu'ils s'opposeraient à toute réalisation de film autre que celle que je pourrais envisager. Après 2 ans d'enquête, grâce à la collaboration pour le scénario du journaliste Pierre Dumayet et de l'avocat Albert Nau notamment, le film d'André Cayatte sort en salle sous le titre « Mourir d'aimer ». Pour jouer Gabriel, le réalisateur a choisi Annie Girardot, étincelante de sincérité et de fragilité dans le rôle d'une jeune femme divorcée, mère de 2 enfants et amoureuse de son élève. Dès sa sortie, l'ombre de Gabriel et de son histoire avec son jeune amant refait surface et la controverse reprend. Au micro de France Inter, c'est le frère de Christian qui porte la voix de ses parents. Je trouve le film dégueulasse. Tous les points de vue, mensonge, quoi, exagération, subjectivité, voilà. Les acteurs sont pas mauvais, il faut le reconnaître, mais enfin, le film est dégueulasse. Qu'est-ce qui vous a choqué dans le film ? Tout en général, quoi. Le côté primairement émotif, quoi. L'exagération des deux côtés. Est-ce que vos parents ont vu le film ? Oui, certainement, je crois, ouais. Qu'en pensent-ils ? Ouais, comme moi, c'est dégueulasse. Un film, une fiction, rappelons-le, est le regard de l'auteur sur une histoire. Sous l'œil de la caméra de Cayatte, on voit un père désabusé qui pense que son fils est fou. Pourtant, la folie, c'est lui et sa femme qui la portent, à l'écran. Un manque de discernement qu'on retrouve également dans certains articles de l'époque où l'enseignante est dépeinte comme une sorcière. On utilise les termes de sortilège, d'ensorcellement. Il y a des siècles, Gabriel aurait été brûlé. Dans ce film, comme dans l'histoire de Gabriel et Christian, il y a un autre personnage central. Cet homme, c'est le juge qui par 2 fois a envoyé l'enseignante en prison. Lors de la sortie du film, le magistrat Palanque crie au tissu de mensonges. Il le dit dans une lettre publiée dans la presse et sur l'antenne de France Inter. Je n'ai pas retrouvé dans le film de M. Kayat l'affaire que j'ai vécue, comme je vous l'ai dit, parce que les données essentielles du problème bâti par M. Kayat sont systématiquement à l'opposé de la véritable histoire. C'est pourquoi j'ai écrit à M. Kayat. Je pense qu'un jour, toute la vérité sera dite. Je souhaite que ce soit le plus tôt possible. Gabriel Russier avait choisi non pas l'oubli, mais le silence. On l'a rompu. Je l'ai déploré. Cette polémique n'interrompt pas la diffusion du film, bien au contraire. Mourir d'aimer devient le succès de l'année avec plus de 5,5 millions d'entrées. Quelques mois après sa sortie, alors que Christian est désormais majeur, il donne sa dernière interview au Nouvel Observateur. Dans cet entretien, il résume son histoire avec Gabriel par ces mots. Les 2 ans de souvenirs qu'elle m'a laissés, je n'ai pas à les raconter. Je les sens. Je les ai vécus, moi seul. Oh, le reste, les gens le savent. C'est une femme qui s'appelait Gabrielle Russier. On s'aimait. On l'a mise en prison. Elle s'est tuée, c'est simple. En mai 68, 2 personnes se sont aimées. L'année suivante, une certaine idée de la justice, de la famille, de l'université a emporté cet amour. Il avait 17 ans, elle 31. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Les parois de ma vie s'enlisent. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Pour moi qu'un refuge, tout issu m'étant condamné. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit. Sa vie, péché contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Gabriel Russier. Notre invité, Michel Viau, bonjour. Bonjour. Alors, je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes prêtre dans le diocèse de Versailles, mais à l'époque, c'est en tant que pasteur que vous devenez l'un des témoins de cette histoire. Je vais vous faire aller dans des souvenirs, vieux de 47 ans. Oui. Comment êtes-vous entré dans cette histoire? Première question, et l'autre qui lui est liée, comment avez-vous réagi? Quels ont été vos premiers sentiments? Je suis entré dans cette histoire... D'abord, en lisant dans la presse l'affaire, mais évidemment sans savoir les noms, parce que les secrets étaient quand même gardés à cette époque-là. Et donc, on connaissait le prénom de Gabriel, et puis il y avait rien même sur l'élève. Christian, ça a été mentionné très peu de fois. Mais cette affaire m'avait intéressé, mais je ne savais pas de qui il s'agissait. Je ne savais pas que la tante de Gabriel Russier était ma paroissienne à la paroisse de Massy-Antony. Je ne savais pas. Et c'est assurant le remplacement de mon collègue du 11e arrondissement, que je reçois un matin un coup de téléphone des pompes funèbres, me disant qu'il faut que je vienne faire un enterrement au Père Lachaise, et puis me raconte l'histoire. Et je fais évidemment le rapprochement. Voilà. Et je tombe sur la famille Russier que je connaissais en partie. Je connaissais pas le père qui était avocat, mais je connaissais bien la tante de Gabriel. Et bon, j'avais suivi toute l'histoire. Et c'est une histoire qui m'avait assez bouleversé parce que j'ai participé de très près aux événements de 68. Jusqu'à cette période, d'ailleurs, j'étais socialiste, j'étais à l'UNEF, j'étais dans la rue avec d'autres. J'étais ordonné pasteur le 5 mai 68, vous voyez, en même temps, c'était... Mais je dois dire que 68 a changé complètement ma vue des choses. Et fin mai 68, j'étais gaulliste et je le suis resté. Voilà. Est-ce qu'il y avait un conflit entre la morale religieuse dont vous êtes porteur, hein, en tant que pasteur et aujourd'hui en tant que prêtre, et l'évolution des mœurs de mai 68 qui quelquefois se télescopait avec cette morale-là? Oui, alors ça se télescopait, mais attendez, pas autant tout de même qu'on l'a dit. Parce que Gabrielle Russier n'était pas du tout cette femme fatale, empoisonneuse qui envoûtait les élèves à des fins sordides. Non, c'était quelqu'un qui avait plutôt une morale, je dirais, très classique. Formation protestante, son père avocat, fils de pasteur. Voilà, c'était pas du tout quelqu'un de, disons, de révolutionnaire. Mais qui, évidemment, il y a toute la rêverie de 68 et le bon côté des choses de 68, il faut quand même... Je le dis d'autant plus que moi, je suis un adversaire de l'esprit de mai 68 après coup, hein. Mais ah le bon, bon... je le suis devenu tout à fait. Bon, mais ce qui ne m'a pas empêché quand même de dire qu'il y a eu une certaine libération de la parole et de discussion, et en particulier au niveau de la presse, des rapports entre les étudiants et leurs professeurs, des choses qui n'existaient pas auparavant et avec une certaine liberté effectivement qu'on n'avait pas auparavant, notamment sur la question de la liberté de la presse. Votre récit le montre. Le fait que ces journalistes qui aient pu exprimer des avis très divergents montre qu'il y avait une très grande liberté que nous n'avons plus, je crois, aujourd'hui. Il y a plus de pensées uniques aujourd'hui. Voilà. Bon. Sur la question morale, je pense que Gabriel Russier était tout à fait persuadé, contrairement à Christian Rossi, qu'elle avait fait quelque chose qui n'était pas bien, hein, et que ça méritait forcément, de la part de l'autorité, une sanction. Bon, mais ce qui moi m'a révolté et me révolte toujours, c'est l'acharnement. L'acharnement, et je le dis en cette année qui, pour les catholiques, vous savez, l'année de la miséricorde. Parce qu'il n'y a pas de, on ne peut pas construire une société sans justice et sans miséricorde. Et là, après avoir laissé le bazar pendant un certain temps, on a brandi tout d'un coup un autoritarisme intolérant du jour au lendemain. Alors que si vous lisez par exemple le premier réquisitoire du substitut Testu, qui demandait quand même, mais sous pression du parquet, parce que un substitut fait pas ce qu'il veut, il est obligé on lui a demandé de requérir 13 mois. Il requiert 13 mois, mais quand on est à un magistrature debout, on a une certaine quand même liberté. Et on voit bien que dans son réquisitoire, il dit tellement de bien de Gabriel Russier, que sa demande de 13 mois, derrière, elle est pas prise au sérieux par le tribunal, qui condamne à 12. Ouais. Et au minimum d'amende. Donc, il laisse la place à la miséricorde. Alors, puisque vous mettez le débat sur la justice, on va écouter, c'est intéressant, on va écouter les propos du juge Palanque, d'accord ? Les propos du juge Palanque qui s'exprime après l'affaire. Alors, évidemment, on a trouvé que ce juge était dur, voire cruel, d'avoir mis en prison cette femme. Et voilà ce qu'il a dit lors de l'émission Histoire d'un jour de Philippe Alfonsi. Il était l'invité de Philippe Alfonsi, ce juge Palanque, et voilà ce qu'il dit après coup. Monsieur le juge, je voudrais vous poser une dernière question. Le jour où vous avez appris la mort de Gabriel Russier, qu'est-ce que vous avez ressenti en votre âme et conscience? Quand vous apprenez la mort de quelqu'un, vous n'avez pas le sourire. Et même aujourd'hui, je tiens à vous dire que c'est difficile d'exprimer ce qu'on vous ressent lorsque soi-même on est intervenu, que l'on a connu quelqu'un qui n'a pas du tout compris le rôle que voulait jouer l'instruction. Gabriel pensait que j'intervenais dans cette affaire par animosité, alors que je ne pense pas qu'un juge d'instruction comme moi ait agi par animosité. Et quand vous pensez que quelqu'un seul s'est retrouvé un soir, hein, et s'est suicidé, ben c'est pas... C'est triste. C'est triste. Voilà. J'ai été triste. Je veux pas dire plus. Je n'ai pas à exprimer autre chose. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quant à savoir si j'ai commis une faute, je laisse le soin aux Français d'apprécier. Moi, je n'ai pas à me juger moi-même. Je demande simplement aux autres de me juger, mais je demande d'être jugé avec des cartes qui ne soient pas biseautées. Et bon, on va le faire, 47 ans après. Votre regard sur le comportement de ce juge? Bah, écoutez, déjà à l'époque, je m'étais tout de même renseigné avant d'écrire mon homélie. Et j'ai en plus, depuis, été quand même pendant 10 années aumônier de prison, en plus de mon ministère. Bon. Le juge Palanque, à mon humble avis, et c'est pas seulement mon avis, a abusé de l'incarcération préventive. Parce que il l'a utilisé comme moyen de chantage. Alors, en principe, d'après la loi française, l'internement préventif, c'est quand on n'est pas sûr que la personne se présentera devant le tribunal, puisque tout accusé, en principe, est présumé innocent. Donc, la règle, c'est laisser en liberté. Provisoire, surtout si on a les garanties, et on avait les garanties avec Gabriel Russier, c'était évident qu'elle allait se présenter devant le tribunal. Donc on a détourné de son but l'internement préalable, il a commis une faute. Je reviens sur votre pensée intime, si tant est que vous vouliez nous la délivrer ici. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous vous êtes dit, c'est une histoire d'amour, mais ça pose problème parce qu'elle est prof et parce que lui, il est élève et il est mineur. Ou pour vous, c'était d'abord une histoire d'amour, l'amour entre deux personnes. Mais c'est les deux. C'était une histoire d'amour authentique, d'autant plus que j'ai pu en avoir la preuve parce que j'ai quand même côtoyé Christian pendant longtemps. On va parler de Christian, bon, après. Eh bien, donc, non, mais c'est une histoire d'amour. Puis j'avais les témoignages tout de même de sa tante. Gabriel Russier, ce serait pas lancé dans une affaire sordide. C'était pas du tout son genre. Non, il y avait une histoire d'amour. Mais effectivement, le problème posé, c'était le problème du professeur et de l'élève. Seulement, là aussi, je dis que le regard des juges doit aussi tenir compte des réalités, en ce sens que Christian Rossi, il avait peut-être 17 ans, mais il en faisait facilement 23 ou 24, et Gabriel avait 32 ans, mais il en faisait 25. Bon, ça aussi, ce sont des réalités qui comptent. On ne pouvait pas imaginer le garçon détourné par une femme qui le faisait quitter les sentiers de la vertu. C'était absurde. Vous avez dit par une femme, oui, parce que tels sont les faits. Est-ce que le fait que ce soit une femme a été une circonstance aggravante pour elle dans la société de l'époque? Oui, certainement, la société de l'époque, comme l'a dit quelqu'un à l'époque, au fond, on aurait inversé les rôles. Ça aurait été un doyen ou un professeur, on l'aurait peut-être condamné légèrement, mais on l'aurait peut-être envié secrètement, ouais, du côté des juges, n'est-ce pas? Alors voilà, non, mais c'est vrai que ça joue un rôle. C'est vrai que ça joue un rôle. Mais il faudrait pas non plus faire de Gabriel Russier une sorte de femme qui défend un espèce de féminisme absolu. Ayant oui, sa démarche n'était pas féministe, mais elle était humaine. Elle est humaine, simplement. Mais c'est une démarche, c'est un sentiment de cœur, c'est tout. Voilà, c'est pour ça que on en parlera peut-être, mais enfin, le deuxième film qui a été fait après prête à caution là-dessus, parce qu'effectivement, c'est plus la même chose. Bien, on va se retrouver, Michel Viaud, dans 3 minutes après avoir écouté Nancy Holloway, qui en 1969 chantait Hurt So Bad. Looking at you. Say you you've been making out okay. He's in love, don't stand in his way. Michel Viau, tout le monde se souvient du film de Kayat, hein, Mourir d'aimer avec Annie Girardot. Notamment, quel est le regard que vous portez sur ce film-là par rapport aux faits? Moi, je trouve que c'est un film, bon, c'est une interprétation des choses forcément, mais ce qui me paraît juste, déjà parce que dans le choix des acteurs, avoir choisi Girardot et Pradal, ça correspondait bien aux deux personnages sur le plan physique, et vous savez comme moi, mieux que moi même, le poids des images. En matière de communication, et donc avec ces deux acteurs, déjà le physique collait, et puis en plus le texte. Alors on peut faire confiance quand même à André Kayat. On a rappelé quand même ses films. C'est un homme en plus. Il était avocat de formation, un juriste. Bon, Maître Alberneau aussi, c'est un grand ténor du barreau quand même. C'était pas n'importe qui. Et ils ont fait les choses, je crois, tout à fait correctement. Ils ont pris soin de changer un certain nombre d'éléments, notamment sur la profession des parents, pour pas trop entrer dans la vie privée. Ils en ont fait des libraires et non plus des professeurs. Enfin, oui. Parce qu'il fallait tout de même respecter un certain nombre de choses. D'ailleurs, il n'y a pas eu de poursuite. Enfin, le film a pu sortir. Voilà. Donc, moi, je trouve que ça a bien rendu compte des choses. Voilà. Bon. Alors, il y a eu un deuxième film, celui de José Dayan. Même question, quel regard sur ce film-là? Oh là, je suis très négatif là-dessus. Je ne l'ai pas vu à la sortie. Je l'ai vu en 2012, quand j'étais encore curé à Blois. Et j'étais révolté par le choix des acteurs. C'est pas qu'ils jouaient mal, ils jouaient bien, mais le physique collait pas du tout. Parce que Muriel Robin avec le petit jeune à côté qui s'appelait Sander Funtek, n'est-ce pas? Vous êtes précis, c'est bien. Ah mais il faut être précis dans ces cas-là, parce que quand je lis dans le journal La Croix, dans le journal catholique, qui se présente comme catholique, hein, que José Dayan, contrairement à André Kayat, un traitement plus psychologique que judiciaire. On se demande en quoi c'est plus psychologique d'avoir présenté une Gabrielle Russier qui fait 20 ans de plus que... je laisse à La Croix sa responsabilité. José Dayan parvient à restituer toutes les ombres, mais aussi les beautés douloureuses de cette histoire. Alors moi, je ne vois aucune beauté douloureuse dans le fait qu'une maman couche avec son fils. M'excuserait, mais bon. Ça va pas du tout. Et alors, pour nous dire après, et si son couple... Alors, c'est un coup à droite, un coup à gauche, et si son couple avec le jeune Sander Funtek, un brin monolithique, n'est pas toujours crédible, vous voyez, quand même on le dit, conséquences personnelles et collectives de ce cataclysme sentimental sont traduites avec nuance. Alors, c'est tout et son contraire. Ça, c'est ce qu'on appelle du galimatia journalistique. Enfin, vous êtes professionnel, vous jurez... Mais pas du galimatia, mais enfin bon... Non, pas du galimatia, non, mais vous êtes journaliste, mais donc oui. Vous pouvez apprécier. Mais on oui. dit une chose et son contraire. Bah oui, ça arrive, bah oui. Bah oui. C'est aussi le débat contradictoire. Alors, dans cette affaire, quand même, le poids des institutions a été important. Je pense à l'université, l'institution familiale, les pères, les parents de Christian. Ça a été quand même des accusations fortes, notamment l'université qu'il a laissé tomber. Enfin. Oui, alors justement, à ce sujet, vous savez, par la suite, si vous voyez, j'ai une vie assez complexe, mais c'est pas un secret que je vais dévoiler, c'est pas un scoop. J'ai été donc pendant très longtemps franc-maçon, et j'ai eu pas mal de magistrats dans ma loge, et un jour j'ai lancé l'affaire sur l'affaire Gabrielle Russier. Bon, et... C'était vraiment un haut magistrat qui m'a répondu. Et qui m'a dit, au fond, on a fait porter le chapeau à la justice dans cette affaire. Mais c'est pas la justice qui est en cause derrière. C'est l'université, sur ordre, qui a d'abord, d'ailleurs, vous avez justement rappelé... Elle a postulé, hein. Et puis elle avait postulé, bah voilà. Profil idéal. Déjà. Rejeté, déjà, et d'une. Deuxièmement, le recteur Franck, de l'époque, a fait pression donc sur le procureur général Caleb, qui était le procureur général d'Aix-en-Provence, qui lui-même répondait d'ailleurs à la pression aussi amicale, mais de quelqu'un qui était sous ses ordres, celui de Marseille. Hein, la cour d'appel, c'est Aix. Bon. Ouais. Et Caleb, moi je connais pas particulièrement, mais il était connu dans les milieux judiciaires pour être l'homme qui affichait son palmarès à la guillotine. C'est-à-dire qu'il se vantait d'avoir obtenu un certain nombre de têtes. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Ça vous donne... Sur les indices, oui, effectivement. Oui, ça vous montre le personnage. Extrêmement répressif, voilà. Et qui, alors, sur ordre de l'université et sans doute de l'éducation nationale, a fait appel à Minima. Et quand je parlais des institutions, je parlais aussi des institutions familiales, les parents de Christian, dans cette affaire, ont été très très durs. Ah ben ils ont été très durs, mais ils ont utilisé la loi. La loi, elle, malheureusement, permettait ce genre de choses. Oui, mais enfin, ils avaient une pensée. Ils peuvent effectivement utiliser la loi, mais leur pensée était dure. Oui, mais je pense d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir le père de Christian longtemps après. Je pense que d'ailleurs, ils se sont réconciliés. Mmh. Et j'ai le sentiment, mais c'est... Je trahis pas de pensée, donc on peut pas m'accuser de trahison du secret professionnel ou du secret de la confession. De toute façon, à cette époque-là, je n'étais pas prêtre. J'étais pasteur, mais tenu quand même à la même chose. Mais j'ai pas eu de confession du papa de Christian, mais j'ai eu le sentiment. Ça, c'est mon intuition personnelle, si vous voulez. Mon intime conviction, pour reprendre les termes juridiques. Juridique, oui. Mon intime conviction qu'il regrettait. Sa réaction à l'époque. Oui, absolument. Il avait fait du chemin et que, il regrettait, et c'est sans doute d'ailleurs pour cela qu'il a pu y avoir ce rapprochement entre Christian et son père. C'est une métaphore à lui tout seul, ce monsieur, parce que s'il le regrette, c'est aussi peut-être parce qu'il a vu la société avancer avec la justice. Hein, oui, je pense aussi. Et alors, parlez-moi de Christian. D'abord, qu'est-il devenu? Ben écoutez, moi je ne me suis occupé de lui que parce que il y avait un problème au moment de la sortie du film. Il était toujours poursuivi par ses parents. Ouais. Ah ben oui, et puis il est encore mineur. Puisque la majorité a 21 ans, c'est Giscard qui l'a donné en 74. Non, bon, nous n'étions pas à cette date-là. Donc il fallait le cacher, tout simplement. Bah, j'ai estimé que c'était mon devoir de l'aider. Après en avoir parlé à la famille de Gabriel Russier, puisque j'ai baptisé les enfants de Gabriel à l'église des Billettes, dont j'étais pasteur, et j'ai bien connu son mari aussi. Ils étaient restés en très bons termes, et c'est un homme qui l'a aidé pendant toute cette période aussi. C'est vous dire que, voilà, il y avait aussi quand même des gens qui étaient équilibrés et miséricordieux, et qui savaient ce que c'est que le pardon. Ouais. Voilà. Et effectivement, vous êtes occupé de Christian, mais ensuite, vous l'avez terminé. Bah oui, puis par la suite, je n'ai plus de nouvelles parce que je sais qu'il a quitté la ville. Au fond, il a voulu. C'est un homme qui voulait être près de la nature et qui ne voulait plus entendre parler d'un certain nombre de choses. Il faut savoir respecter le retrait des gens. Voilà. Absolument. Il me reste à vous remercier, Michel Viaud, pour votre témoignage et puis vos éclairages et aussi votre pensée sur cette affaire que vous avez vécue de près. Merci encore. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Gabriel Russier, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.